bez ładu. En avalanche, le plaisir efface tes sanglots. Toi qui viens d'une pauvre histoire, toi qui n'osais pas même y croire. À faire, la vie s'éclaire, je suis vivant, attends, attends, on va s'aimer longtemps. Tu me c'est trop beau pour y croire. Attends, attends, tu n'as rien vu encore de tout ce qu'il nous reste à faire. La vie s'éclaire.